jeunesse se cache et mes contrats restent temporaires, donc j'attends. Avec ma team sous un temps pourri, dans un monde où ça se met ensemble pour rien. On rêve d'une vie sans intempéries, certains pensent connaître. Alors ils étalent, je les baisse de haut en bas, à l'horizontale, si tu sors Bélec. Au cas où on te shoot, et si ça tire pas de débat, au cas où tu shoot, tu veux que je tape. Mais à pas trop travalable, une sorte de bataille, et c'est un as contre un balai, c'est dur à avaler. Comme un gosse qui voit son daron en train de voler. KF, et le pire reste possible. On n'est pas responsable quand on doit trouver les réponses seules dans nos filières spécifiques. Où y'a que nos mères qui restent pacifiques, le respect suffoque. Faut pacifier, le succès n'arrive pas si vite. La rue interminée où tu peux sauter à chaque seconde, où l'échec se pointe pour un destin prédit si vite. J'ai perdu si vite, l'équilibre c'est la misère à vous. Poto, on l'a mise à l'envers maintenant, je m'amuse à l'avenir. À ce qui paraît, face à eux, on fait pas le poids. J'fais confiance qu'à mes sauces, car les autres sont faibles parfois. Et mec, j'suis pas celui qui vend son cul pour une chanson culte. En face c'est la merde et d'avance nos enfants sont cuits. Donc faut apaiser les cums et imposer le calme. Pas d'a priori, j'sais qu'au début c'est la misère, mais qu'après on rit, puisqu'on aura pris aux riches. Ici c'est pas tout temps simple, même les putes finissent tout enceintes. Et ouais mon gros, quel temps sale. Donc il faut repartir sur de nouvelles bases. Pas oublier les potes tombés sous de mauvaises balles. Pas oublier les potes tombés sous de mauvaises balles. Le chip en test. Parti fédéral, 9-4, bien sûr. Regarde dehors mec et vois le trottoir tout gris. Il est trop tard pour rire, y'a trop de gars pourris. Parce que si c'est pas l'état, c'est la rue qui tronche. Y'a ceux qui foutent la merde et y'a ceux qui se rangent. Et ouais cousin, la rue est tout plein de spécimens. Regarde le ciel gris et regarde l'espèce humaine. Espèce de merde, la rue n'est pas simple à vivre. J'dis pas ce qu'il faut faire, j'donne juste un simple avis. Le trottoir est sombre, surtout si t'es pas dedans. De la rue j'ai appris ses vices et c'est pas dedans. Avec elle, t'auras moins de beau temps et plus de jours noirs. Elle provoque des faits divers dans plein de journal, tu dis qu'on est nul, mais moi cousé, je fausse ton idée. On va tenir, cousé blessure, faut le consolider. Alors faut qu'à travers les nuages, y'a un arc-en-ciel. Regarde la rue, et puis regarde l'arc qu'on sème. 9-4, quartier fédéral, on marque l'enseigne.